T'es plus belle quand tu souris. On ne fait pas la gueule, dis-moi ce qui ne va pas. Ton regard, tes lèvres, ton air coquin te vont si bien. C'est toi que j'aime, ta voix m'enivre. Ton humour, ton amour, ma vie, c'est toi Fanny. Je t'aime, tu bluffes, tu joues, je te couche, avoue. T'es dans mon délire, là. Je t'ai dans la peau. Je t'ai dans la peau. Avec ou sans flouze, va leur dire la vie en blues.